Lettre 17e. Suite de la lettre d'Evelina. Vendredi matin, 16 avril. Sir Clement Willoughby vint nous rendre visite hier matin, et le capitaine Mirvan le retint à dîner. J'eus à passer la journée la plus désagréable. Je me rendis chez Madame Duval, comme je le lui avais promis, et je la trouvai prenant le déjeuner au lit. Monsieur Dubois était dans sa chambre, ce qui me révolta tellement que j'étais sur le point de me retirer, sans faire attention aux mauvais effets que ferait une pareille démarche. Madame Duval me rappela aussitôt et rit beaucoup de me voir si peu au fait des mœurs françaises. La conversation ne tarda pas à prendre une tournure plus sérieuse. Madame Duval se déchaîna avec véhémence contre la brutalité barbare de cet insolent capitaine et contre l'horrible grossièreté de la nation anglaise en général. Elle m'annonça qu'elle ferait toute la diligence possible pour se sauver au plus tôt d'un pays aussi peu humanisé. Elle déplora amèrement le sort de son étoffe de lion, protestant qu'elle aurait mieux aimé perdre toute sa garde-robe, puisque c'était la première robe de couleur qu'elle portait depuis son deuil. Elle a gagné un grand rhume, et M. Dubois est enroué à ne pouvoir parler. Elle me retint pour la journée entière, qui était destinée, disait-elle, à me faire faire la connaissance de plusieurs personnes de la famille. J'aurais voulu en être dispensé, mais il fallut céder malgré moi. Un tissu de questions de sa part et les réponses qu'elle m'extorqua remplirent tout le temps que nous fûmes seuls. Sa curiosité était insatiable. Elle voulait être exactement instruite de chaque événement de ma vie et elle me demanda de même des nouvelles détaillées de toutes les personnes avec lesquelles j'ai vécu. Elle eut la dureté de m'entretenir de nouveau de la haine invétérée qu'elle nourrit contre l'unique bienfaiteur que sa fille et sa petite-fille ont trouvé dans leur misère. Son ingratitude excita ma plus vive indignation. J'étais sur le point de fuir sa présence et sa maison, si elle ne s'y fût opposée de la manière la plus décisive. Qu'est-ce donc, bon Dieu, qui peut la porter à une injustice aussi criante? Oh, mon père et mon ami, je ne me possède pas lorsqu'elle touche cette matière. Elle me répéta plusieurs fois qu'elle se proposait de m'amener à Paris, d'autant plus que j'avais grand besoin d'être poli par une éducation française. Elle regretta beaucoup de ce que j'avais été élevé à la campagne, où j'avais pris un air maussade. Elle me recommanda cependant d'avoir bon courage, puisqu'elle avait connu plusieurs jeunes filles, plus gauches encore que moi, qui, après un séjour de peu d'années dans l'étranger, s'étaient parfaitement bien formées. Elle eut la bonté de me citer entre autres, pour exemple, une certaine Miss Polly Moore, fille d'une vendeuse de chandelles, qui fut envoyée à Paris pour une petite affaire de galanterie et y avait fait des progrès si étonnants qu'elle allait aujourd'hui de pair avec les femmes de la première distinction. Les parents, auxquels elle me fit l'honneur de me présenter, étaient M. Brankton, son fils et ses deux filles. Le père, qui est neveu de Madame Duval, peut avoir environ 40 ans. Il ne manque pas de bon sens, mais je le crois rempli de préjugés. Il n'a jamais quitté la capitale et je lui suppose un grand fond de mépris pour tous ceux qui ont vécu en province. Son fils m'a paru moins intelligent, quoique d'un caractère éveillé, mais sa gaieté ressemble à celle d'un écolier étourdi et tapageur. Il fait peu de cas de son père à cause de son extrême assiduité au travail et de sa passion pour l'argent. Je doute cependant qu'il ait assez de talent, ni même assez de bonté de cœur, pour atteindre une sphère plus élevée. Son principal amusement consiste à tourmenter et à ridiculiser ses sœurs, qui en revanche le méprisent souverainement. Miss Brunton l'aînée est d'une figure assez revenante, mais qui annonce de la fierté, de l'affectation et une humeur peu sociable. Elle hait Londres sans savoir pourquoi, car il est aisé de voir qu'elle n'en est jamais sortie. Miss Polly Brunton peut passer pour jolie. Elle est d'une grande simplicité, légère, tout aussi ignorante que sa sœur, et malgré cela, peut-être d'un bon naturel. Ces bonnes gens eurent besoin d'une grosse demi-heure pour se remettre des fatigues de leur course, qu'ils disaient avoir été des plus pénibles. Ils arrivaient à pied de Snow Hill, où M. Brunton tient une boutique d'orfèvrerie. Cette marche avait surtout incommodé les jeunes demoiselles, et leur harde s'en était ressentie visiblement. La manière dont Madame Duval me fit faire la connaissance de cette famille eut de quoi me choquer extrêmement. « Voici, dit-elle, mes amis, une parente à laquelle vous ne pensiez sûrement pas. Cet enfant est la fille dont ma pauvre Caroline accoucha après s'être enfuie de chez moi. J'ai découvert seulement depuis peu son existence, qu'on m'avait tenu caché, et jusqu'ici cette pauvre petite a été privée du seul appui qui lui resta au monde. Miss Polly. Miss paraît avoir le cœur bien placé, et ne doit pas être victime de la désobéissance de sa mère, Madame Duval. Aussi ne lui en veux-je pas le moindre mal, et pour ce qui est de ma pauvre Caroline même, elle est beaucoup moins coupable qu'on ne le pense, car je suis sûr qu'elle n'eût jamais déserté la maison paternelle sans les mauvais conseils d'un certain vieux curé. Miss Polly. Parlons d'autre chose, ma tante. Notre conversation semble affliger cette jeune demoiselle. On se jeta alors sur notre âge, sur nos tailles, nos ajustements, sur les spectacles. Tous ces lieux communs furent rebattus avec la plus grande sagacité. Mais jugez de ma douleur, lorsque je compris ensuite, par quelques paroles échappées à Madame Duval, qu'elle était occupée à instruire M. Branton des détails les plus secrets de mes affaires. Ce récit attira la curiosité de l'aînée des demoiselles Branton. La cadette et le fils restèrent avec moi, vraisemblablement pour me distraire. Miss Branton revint aussitôt vers nous, en disant à sa sœur, « Imagine-toi, Polly, Miss n'a jamais vu son père. »« Et comment cela, Miss ? » s'écria l'autre. « N'étiez-vous pas tentée de le connaître ?» Ceci en était trop. Je me levai promptement et je me sauvai de la chambre. Je regrettai bientôt ce mouvement de vivacité. Les deux sœurs me suivirent et tâchèrent de me consoler. Je demandai avec instance d'être laissée seule. Dès que je fus rentrée, Madame Duval me demanda ce que j'avais, pourquoi je l'avais quittée. J'allais me retirer de nouveau, ne sachant que répondre. Cette femme m'est insupportable. Elle me met d'abord dans les embarras les plus cruels et puis les surprises de ma sensibilité. Le jeune Branton, entre autres questions spirituelles, me demanda si j'avais vu la tour, l'église de Saint-Paul, l'opéra. Ses sœurs n'avaient aucune idée de ce spectacle, et l'on proposa d'y aller tous ensemble à la première occasion. Je voulus éviter de les contredire, et je me bornai à leur répondre que je n'étais point la maîtresse de mon temps, puisque je dépendais entièrement de Madame Mirvan durant mon séjour à Londres. Je suis très décidé à ne pas être de cette partie, s'il m'est possible de l'échapper. Enfin, je pris congé de Madame Duval. Elle me pria de revenir le lendemain. Les Branton m'invitèrent d'aller les voir à Snow Hill, ce qui, je suppose, n'arrivera pas de si tôt. Du moins, je souhaite que notre liaison soit bientôt rompue. Si tous mes parents ressemblent à ceux qui m'ont été présentés aujourd'hui, j'avoue que je ne me sens pas beaucoup d'empressement à briguer l'honneur de leur connaissance.